بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليك كتاب طيب. أولا ما معنى أقدام؟ نعم. ما معنى ظهور؟ حيوانات. Les animaux. تعب. Fatigue. Fatigue. تقدم يتقدم. Avancer. S'avancer. S'avancer. Le fait de, d'avancer de là. Et dans le texte, c'est quoi? Dans le texte, c'est. تقدمت وسائل السفر. كيف يقول السفر؟ ils ont évolué. نعم. أخذ يأخذ. prendre. برية. terrestre. بحرية. maritime. راحة. repos, confort. وسائل. les moyens. ما هو المفرد؟ وسيلة. وسيلة. كان يكون. être. il est. il était. يكون. quand dit كان يكون ou dit être. فقط. نعم. أصل الفعل. l'origine du verbe. طيب. سنجيب عن الأسئلة. افتح. أولا. كيف كان الإنسان يسافر قديما؟ اقرأ جواب. كان يسافر من بلاد إلى بلاد ماشيا على الأقدام أو راكبا على ظهور الحيوانات. حيوانات. طيب. ثانيا، لماذا كانت الرحلة تأخذ وقتا طويلا؟ لأن قديما ما كان وسائل في هذا الوقت حذر. عيد. لأن. لأن قديما ما كان. لكل لأنه. لأنه. نعم. ما كان. ما كان وسائل. عفوا شو بدي أقول؟ ما كانت الوسائل. Là, Wasail, il fait office de sujet. On n'appelle pas sujet en arabe, mais il fait office de sujet. Donc, Wasail, ça dit Marine Rappel. Donc, c'est comme un féminin moufrad. Donc, ma kanat, el Wasailu. Ma kanat, el Wasailu. Aïe, va. Allez. Ma kanat al-wasailu. Al-wasailu. Al-wasailu. Fi hada al-waqt. Hadir. C'est quoi que tu veux dire? En fait, je voulais dire parce que. Il n'y a pas les moyens maintenant. Avant, il n'y avait pas les moyens de maintenant. Ma kanat al-wasailu. Taïeb. Liana. Mithl al-an. C'est comme tu dirais. Comme actuellement. Comme maintenant. Lianahu. Le roux. Il revient à quoi? Il vient au voyage de vous, il est Annaou parce que. Il est Annaou. J'ai dit, il est Anna, quand il est mal. Après, tu m'as repris, tu m'as dit, il est Annaou. Et le roux, en fait, il revient. Il revient à la réponse, il y a entièrement. Ah, d'accord. Taïf, Lianahou, ma kanat al-wasailu, misl al-an. وكانت الوسائل مثل الآن comme maintenant. ثالثا اذكر وسيلة من وسائل السفر البرية ووسيلة من وسائل البحرية. هات وسيلة وسائل البرية السفر برية. هناك طائرة. لا فهمت السؤال. قال اذكر وسيلة من وسائل السفر البرية. دون ام ويا قبل السؤال ويا دو ويش تعسر. هات واحد برية تعسر. برية. ايوه برية. السيارة. طيب والبحرية. البحرية هناك سفن. السفن. طيب ثانيا سل كل كلمات من كلمات مجموعة ألف بعكسها من كلمات المجموعة باء كما في النموذج. Donc tu lis pendant là tu joins entre les opposés. تعب. راحة. نعم. تقدم. بس en fait il nous a fait même. نعم صح. صغير. كبير. الحاضر. الماضي. السفر. الإقامة. سهل. صعب. طيب الآن سنتخو في شيء آخر. نعم. ثالثا هات مفرد كل كلمات من كلمات الآتية. ظهور. ظهر. أقدام. وأقدام. قديم. لا أقدام. نعم أقدام. لا قدم فقط. قدم. أيوة. حيوانات. حيوان. نعم. ركاب. راكب. وسائل. وسيلة. بلاد. نعم. رابعا قديم. قدم. قدم. قدم. ما وسائل السفر في بلدك؟ الوسائل فيه هناك طائرة. نعم. سفن. وسفن. نعم. و قطار. نعم. سيارة. طيب الحافلة أيضا. طيب ثانيا أيهما تفضل السفر أو الإقامة ولماذا؟ أفضل. أفضل. أفضل. أفضل الإقامة لأن فيه ليس تعبا. لأنه فيه ليس تعب. لا لا لا هو يعني أن تكتب فاز. طيب سيجناخوسا ها سيجناخوسا ها tu le sais maintenant. Falifan. Ayyuhuma aktharu mut'atan as-safaru bis-safina. On avait changé nous. Bis-sayyara ou bil-daraja. Wa limadha? Bis-sayyarat. بالسيارات أكثر متعة لأنه هناك الروح فيه الروح فيها سيارة فيها الروح. طيب طيب الآن سندخل في الوحدة الرابعة كتخيم نتي الموضوع الثالث تقدم تم بعنوان في مكتب البريد ومكتب البرقية. طيب على بوست مكتب البريد سي لا بوست ومكتب البرقية سي يعني لو تقول تليغرام برقية سي تليغرام bien que je sais que c'est plus ça je crois. C'est quoi ce truc là que t'as pu là? Ouais machin t'as stop t'as stop. J'ai jamais utilisé. Peut-être dans d'autres pays, en tout cas en France, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de barquille. طيب الدرس الأول الدرس الحادي عشر نظيم الكلمة في الطريق إلى مكتب البريد donc sur le chemin vers la poste طريق c'est la route chemin إلى مكتب البريد vers la poste. طيب الكلمة الجديدة attention là c'est l'encadré il est foncé donc on va mal voir. Ra'a yara, ça c'est voir. La fiel, on a voir. Mektab el barid, mektab el barid, on a dit c'est la poste. Sundouk el barid, boîte aux lettres. Sundouk à la base une boîte. El barid ça vient la poste, donc il veut dire parler de boîte aux lettres. Non. Sundouk, c'est une boîte. Al-Barid al-Musajjal, c'est le courrier. À la base, le Musajjal serait enregistré. Mais eux, je veux le dire, je pense, par avec accusé de réception. Il y a une lettre qui a été enregistrée et quand elle est arrivée, on t'informe qu'elle est arrivée. C'est ça qu'il veut dire. Mais à la base, al-Musajjal, c'est enregistré. En dessous, t'as l'abissa et le bessou. Ou y'a le bessou. C'est habillé, ça, non ? Non. T'as l'abissa et le bessou. Qui veut dire s'habiller. Être habillé d'eux. Al-Barid al-Aadi, c'est la poste normale, c'est-à-dire sans accueil de réception. Aadi, tu te rappelles, tu m'avais demandé, c'est normal. العادي أضمن لا اسم تفضيل qui veut dire plus sûr. أضمن qui veut dire plus sûr. À la base أضمن c'est une garantie chose comme ça et lui ce qu'il veut dire par là c'est plus sûr plus garant plus sécurisé. Et quand tu dis je suis sûr de cette chose, c'est pas ça ? Là, c'est un autre. Là, c'est pas sûreté de la sécurité. Là, ça veut dire la certitude. Ça, c'est sécurité, en fait. Sûr. Dans mon... C'est plus sûr. Karib, ensuite, Marlouf, il approche. Barqiya, on a dit c'était télégramme. Ousra, c'est la famille. Le père, la mère, le grand-père, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, ainsi de suite. Haya, ça veut dire allez, c'est un mot d'incitation. Quand tu fais la zen, tu fais Haya ala salat, et autrement dit par accourir, tu vois, à la salat. En fait, Haya, c'est un mot pour aller ou un mot qui incite à faire une chose. Arsala yursilo, envoyer. Arsala yursilo, afir, l'imana, envoyer. Huna, ça veut dire ici. Et Hunaka, quand tu mets le kia, c'est là-bas. Et des fois, ça peut dire aussi il y a, comme on a dit. C'est-à-dire que Hunaka, Risala, Daoud, il y a actuellement une lettre pour Daoud. Dans le sens de la phrase, tu arrives à distinguer qu'est-ce qu'il veut dire. Si tu vois qu'il n'indique pas un lieu, ce qui veut dire un temps. Donc Huna, ici. Ou peut-être ça veut dire il y a aussi dans le texte. Je vais voir. Dans le texte, je ne vois pas. On va voir ce qu'il veut dire lui. Ma'an, ça veut dire ensemble. Ma'an, ensemble. Un homme qui ma'an, on part ensemble, on marche ensemble. At-tariq, c'est la rue ou le chemin. Juste valide le Moussadjil. C'est lettre enregistrée, non? Non, courrier enregistré. Mais comme je t'ai dit, lui, ce qui vise par là dans le texte, c'est avec accusé de réception. Enregistré. Thumma. Al-Adi, c'est normal. Al-Barid al-Adi, c'est normal. Commun. La poste commune, normal. Courrier commun, quoi. Normal. Le taraqib al-nahwiyya wa sarfiyya, on va les prendre dans le texte aussi. Donc on, chaque fois, on ne prend pas la tête, on les laisse. Taraqib al-hiwar, indana Ibrahim wa Salim. Ana sa'akara Ibrahim, wa anta sa'akara Salim, inshallah. Sauf que moi je te dis, une fois de plus, il n'y a pas de salam. Mm-hmm. C'est vraiment des mal élevés, hein, ces enfants. Taïeb, nous on rajoute. Ibrahim dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Marhaban ya Salim. Bienvenue au Salim. Marhaban ya Ibrahim. Bienvenue également au Ibrahim. Araka talbasu malabis al-khuruj. Ila ayna anta dhahibun. Donc je te vois portant des vêtements de sortie. Araka Ara, on a dit c'était quoi? Ara, wa. Talbesu, malabis le khuruj. Donc tu portes tes vêtements de sortie. Il a aina anta dhaibun. Vers où te rends-tu? Vers où vas-tu? Il a maktabil baridil li ursila risala. Nam. Vers la poste pour envoyer une lettre. Pour que j'envoie une lettre. Ibrahim yaqul. صندوق البريد قريب من هنا لماذا لا تضع فيه. Donc il dit la boîte aux lettres est proche d'ici, pourquoi ne la mets-tu pas dedans la lettre. تضعها, ça vient de وضعها, c'est-à-dire quoi وضعها, on avait dit poser. تضعها, et ça c'est quoi, c'est مضارع. تضع انت تضع اه تضع هي revient à l'isala. لأنني أريد أن أرسلها بالبريد المسجل. Donc il dit parce que je voudrais l'envoyer par le courrier enregistré. Ibrahim يقول لماذا لا ترسلها بالبريد العادي. Pourquoi ne l'envoies-tu pas par le courrier normal. البريد المسجل أضمن. Donc il dit le courrier enregistré est plus sûr, sécurisé, plus garant. Ibrahim yaqul hayya nadham ma'an fa inna uridu an abhasa barqiyatan ila usrati. Donc il dit allez, on y va ensemble car je veux envoyer ba'atha, c'est aussi envoyer. Vous voyez? Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Nous avons envoyé certes dans notre communauté un messager. Donc Ba'atha c'est aussi envoyé. Uridun Ab'atha Barqiyatan il Usrati. Je voudrais envoyer un télégramme à ma famille. Ma foumala? Non. Voyez. Awalan yakoul istamiya wa raddid. Donc maintenant là, il va te faire comprendre quand tu mets an pour faire la liaison entre deux verbes, qu'est-ce qui se passe sur le verbe qui est après. Nous on a toujours pris des verbes aux formes singulières, à la forme singulière, et on mettait une fatha à la fin. Cependant, tu as des fois le verbe, il est attaché à d'autres personnes. C'est pas forcément il ou tu ou je. Maintenant il y a vous, maintenant il y a elle au pluriel. Donc comment on fait à ce moment-là? Comment le verbe, quelle forme il prend à la fin? Donc là il va te le montrer. Awalan, ana uridu an ursila barqiyatan. Donc je veux envoyer un télégramme. Là il n'y a rien. Adi. Ursila, il prend une fatha à cause de an qui est devant. Nahnu nuridu an ursila barqiyatan. Nous voulons envoyer un télégramme. On a affiché كذلك. Anta turidu an tursila barqiyatan. Rabi'an. Anti, attention. Turidina. Vous voyez, quand tu dis anti, on sait qu'on rajoute un ya et un nun avec une fatha. Comment on fait après? An tursili barqiyatan. Enfin, maintenant, à cause du an, le nun qui est à la fin, on l'enlève. À la base, on dirait quoi? Tursilina. Vous voyez, tursilina. Mais là, le verbe, il va être mansoub à cause de an. Sauf que là, on ne peut pas mettre une fatha. Donc la chose qui remplace la fatha, c'est qu'on enlève le nun. Taïeb, on va dire anti tulidina an tursili balqiyatan. Donc le nun de tursilina, le na, on l'enlève. Et c'est quand on enlève ce nun, ça veut dire que le fi'l, il se passe quelque chose. Ou il est mansoub, comme c'est le cas maintenant, ou une autre chose qui viendra plus tard. Et dans deux cas, ça, on enlève le nun. Nous, on est là, on est avec N seulement. Il y a d'autres choses. Hein. Là, on est juste avec N. Ça, c'est pas que avec N. Avec d'autres choses, ça arrive aussi. Khamisan. Antuma turidani antursila barqiyatan. Donc, antuma turidani. Là, pareil. Antursila. À la base, c'est tursilani. Pareil. Comme le N, il est rentré, on fait quoi? On enlève le nun. Ça, c'est le sous-signe de Nas. Alamat Nasbi, c'est le signe, la marque qui prouve qu'il est mansoub. On a enlevé le noun. Ah, donc quand il y a un noun et qu'il est mansoub, on l'enlève. Non. Dans tous les cas, enfin, il n'y a pas de. Là, dès qu'il est mansoub et qu'il y a un noun, on l'enlève. Mais le noun, on connaît ce qu'on trouve avec un ti, masalat tafhalina, avec un touma, tafhalani, avec hum, yafhaluna, et avec un tum, tafhaluna. Hunna aussi. Là, Hunna c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Ah, parce qu'il y a le Shabbat. Le Noun, dans Hunna, il va venir, c'est l'huile d'Amir. Et maintenant, dans ces cas-là, là, c'est pas l'huile d'Amir. Ah, dans Tursilina, le Damir c'est quoi? C'est le Ya. Tursilani, le Damir c'est le Alif. Tursiluna, le Damir, c'est le Waw. Et le Noun qui est après, c'est le signe qu'il est Mansoum. Ahmad, Al-Nisa Yursilna, les femmes elles envoient. Là, le na, c'est un domir. Tu peux pas l'enlever. Vous voyez? Tu peux pas l'enlever. C'est pas le même na que dans les autres. C'est un autre. Et pourquoi? Alors, ça veut dire si le par exemple, Entuma, Tursilani, Tulidani, par exemple. Non. Là, en fait, là, c'est le alif qui revient à Entuma. C'est le alif, le sujet. Le ferri, c'est le alif. Et le nun, il sert à quoi? C'est pour montrer qu'il est mal foi. Qu'il est mal foi. Non. Normalement c'est une dhamma, mais quand il y a un homme qui vient, c'est lui la preuve qu'il est mal fort. Dans ces cas-là. Ça a été où? Antum turiduna antursilu barqiyatan. Vous voyez? Enfin, tursilu, voilà l'exemple. Tursilu, quand il est mansoub, il n'y a pas de nom. Pareil. Sabi'an, antunna turidna antursilna barqiyatan. Alors celui-là, comme on a dit, ça s'appelle Nun Endiswa. Le Nun que tu vois là, Turidna, Oyursilna, lui c'est un Damir, celui-là. On ne peut pas l'enlever. Donc le verbe, en apparence, il ne change pas. On dit qu'il est même ni. On dit qu'il est même ni. C'est-à-dire qu'il est. Qu'il reste sur ce quoi il est. Il est construit, il est achevé, on ne peut pas le changer. Un variable en fait. Non. Ils disent comme ça, variable, non. Faminan, huwa يريد أن يرسل برقية. تاسعا هي تريد أن ترسل بلقية. عاشرا هما يريدان أن يرسلا برقية. هم يريدون أن يرسلوا برقية. ثاني عشر هن يريد أن يرسلن بلقية. أنت كسيو وجاكم لكي يريدنا نجهة القلم. يريد. طيب هكذا على وزن ايش يريد؟ سكو سون سامزيو على فعله يريد على اي وزن؟ يفعل. لا يفعل. يفعل. يو لو الفا يفاعل. لا يفعل. لو فا سي كيل لتر ici؟ ايوه. لو عين سي كيل لتر؟ C'est Alif, c'est le Ya. Hein? C'est le Ya. C'est le Ya. Et le Lem, c'est quelle lettre? Le D. Il y a une à la Oise. Là, la Oise, le Fialou. Yuridou. À la Oise, le Fialou. Là, le ya, c'est quoi sa harakat? Il n'en a pas. Il est saakin. Donc maintenant, si on veut ajouter, nous n'y soit. Nous n'y soit. On enlève ça. Il est obligé de prendre le soukoun devant. Ouais. On a quoi maintenant qui se passe? Deux soukoun. Deux soukoun. Donc on fait quoi? On enlève ya. Yuridda. Bien. Yuridda. Le ya est enlevé à cause de, du del qui va prendre le soukoun parce qu'il y a le doute qui vient derrière. C'est pour ça que tu vois il est écrit sans ya là. Yaji et Tikor Sakinein à cause de la rencontre de deux lettres Sakin. Il est en haut et en bas. C'est ça, elle t'a. Quand tu parles, tu penses à tout ça, toi? Ou c'est... Tu penses, toi, à ça? J'ai rien dit, tu te dis dans ta tête avant de dire un mot. Ah oui, donc là, il y a tout ce coup et tout, faut que je fasse ça. Ça va devenir automatique, Inch'Allah. Mais surtout, ça se voit quand tu écris. Quand tu penses, ça se voit pas trop. Et quand tu vas écrire, ça va se voir. ثانيا أكمل الجمل الآتية كما في النموذج. النموذج يقول أنا ensuite il y a un trou أن أرسل برقية entre parenthèses يريد. Donc toi tu fais tourner le verbe à la forme de أنا. أنا أريد أن أرسل برقية. Et c'est tous avec le même verbe de toute façon. يريد يريد يريد يريد. تمام. الجمل الأولى عندك أنا أريد أن أستلم. أنا أستلم. En fait, quand tu fais la liaison, tu mets une fatha. أنا أريد أن أستلم رسالة. Ou plutôt, non, il n'y a pas de liaison. Ce qui fait qu'ils n'ont pas mis le Hamza en fait. Ouais, c'est Astalima. Ah, c'est un Hamza, ils n'ont pas mis, ouais. Non, on dirait le Mardi, on dirait. Non, je vais recevoir une lettre. Vous réceptionnez une lettre. Fanyan. Nous voulons lire un journal. Fanyan. Anta turidu an taktuba darsan. tu veux écrire un cours. Rabian. Huwa yuridu an yuqabila mudarrisa. Non, il veut rencontrer un professeur, un enseignant. Khamisan. Hiya turidu an tushahida manzar. Elle veut contempler un paysage. Saadisan. Huna. Huna. C'est celui qu'on vient de faire. Huna. Yuridna an nahjizna makana. Non. Elles, au pluriel, veulent réserver une place. Saadisan. Maintenant, il va venir avec quoi ? Ce qu'on a appris dans le Sitami wa Raddid, c'est quand il y a un damir qui est attaché au verbe. Comme Alif al-Isnaïn. Le Alif s'appelle Alif al-Isnaïn. Le Waw s'appelle Waw al-Jama'a. Et l'Yay s'appelle Yam Mukhataba. Comment on fait ? Maintenant, avec le N quand il vient devant. Comment on vient de prendre là, dans la lecture ? Akmil al-Jumal a'tiata kama fi namouzaj. Namouzaj akul. Anti, ensuite un trou. Antursili risalatan. Donc en fait c'est anti turidina antursili risalatan. طيب الجمله الاولى انت تتناولي طعاما. نعم. Alors c'est tatnawalina. On enlève le nun. Ça c'est le signe du nasb. Alamat nasbihi haf an-nun. Le signe de nasb c'est qu'on enlève le nun. Qui à la base, lui, est un signe de rafa. Et comme là, le fil n'est plus marfour, il est devenu mansoub, on enlève sa marque de raf, on enlève sa marque de nasb. En fait, ce serait tatanawalina. À la base, si tout seul, c'était marfour, on dirait comme ça. Et c'est toujours comme ça. Par exemple, le premier verbe, ça dépend de ce qu'on veut dire. Là, le premier verbe, c'est tulidina. Mais après, c'est pas forcément que ça soit tursili. Non, ça si, peut, si. Ça peut être ursila. Ça dépend de ce que tu as derrière. Ah, ouais. Là, c'est un an, ce qu'on a derrière, avec N. Donc là, on prend la règle avec N. Tayeb, Antuma, Faddal. Antuma, Yurid. Là, Antuma, c'est Mukhatab, vous. Turiduna. Là, Antuma. Deux personnes. Turidani. Antuma, Turidani. Antashraba, Asir. Vous voulez tous les deux boire du jus. Farifan. Antum, Turiduna, Antakulu, vous voulez manger un fruit. Rabian, Huma, eux deux. Huma, Yuridani, en yuqabila tabiban. Ils veulent tous les deux rencontrer un médecin. Khamisan, Hum. Hum, Yuriduna, en yushahidu mandaran. Ils veulent contempler un paysage. Saadisan, Anti. Anti, Turidani, Anti, Turidina. Naam. Non. Tu veux envoyer une lettre et une femme. Tamam. Rabi'an, hawil kama fil namouzaj. Donc là maintenant il va vous donner juste quoi ? Le damir. Et c'est à vous de faire la phrase. Yaqul ana uridu an ursila risala. Entre parenthèses, antum turiduna an tursilu risala. Vous faites toutes les phrases de vous-même. Juste vous l'adaptez au damir. T'as même l'adaptez le bait. On met pas la même phrase à chaque fois. Si, vous mettez la même phrase. Mais on va changer la phrase, non. Tu vas mettre à la place de Uridu an ursila risala. Uridu an ahfaz al Qur'an. أنا أحفظ القرآن. أريد طيب خامسا استمع وردد écoute et répète. Là il te dit Hayya, comme on a pris qui veut dire c'est un mot qui incite à quelque chose. Et là nous on traduira par aller. Donc il dit Hayya nadhhab ma'an. Là le verbe va prendre le sukun après Hayya. Ensemble. Là le verbe est de majzoum comme on dit, mais ça c'est un autre truc qui viendra plus tard. Toi juste Aïwa, nadhhab. La nadhhab. Non, le ma'a. Ma'an. C'est pas un fi'al. Là, c'est pas un fi'al. Donc toi juste apprends par cœur, après le haya, si le verbe il vient, tu mets le sukun. Dans ce qui met une sukun, et t'as d'autres choses qui peuvent venir. Haya, nadhhab, ma'an. Allez, on y va ensemble. Fanyen, haya, narjidu ma'an. Allez, on réserve ensemble. Naam. Thalithan, haya, nusafiru ma'an. Allez, on voyage ensemble. Tu dis nusafiru. Là, tu mets le sukun. Ouais, oh, généralement, les gens ne le prononcent pas. Rabi'an, haya, narjidu ma'an. Allez, on revient ensemble. Haya nal'abu ma'an. Allez, on joue ensemble. Sadisan, haya nakra'u ma'an. Allez, on lit ensemble. C'est lui signe de. Fahim? Non. Tayeb, sadisan, imla'il faraghat fil jumla'il atiya bi ikhtiyar kalimat al-munasaba. Al-Munasiba, Mimayali. Donc il dit, remplis les trous dans les phrases suivantes avec les mots qui correspondent. On a Qarib, on a Yalbes, qui veut dire se revêtir, habiller. Adman, qui veut dire plus sûr. Yara, qui veut dire il voit. Mashien, qui veut dire en marchant. Première phrase. Yuridu el-Ibn en trou Walida. Donc le fils voudrait, entre parenthèses, quelque chose. Walida, c'est son père. Al-Walid, c'est le père. Thanian. Yuridu al-amilu an. Summa, le trou. Malabisa. Donc l'employé veut, le trou, ses vêtements. Thalithan. Al-Barid Musajjal. Trou. Min al-Barid al-Adi. Donc le courrier enregistré, le trou, que le courrier normal. Rabi'an, sunduk al-barid, trou, min huna. Donc, la boîte aux lettres, trou, d'ici. Khamisan, wasala al-muwazzafu al-maktab al-barid, le trou, ala al-aqdam. Que l'employé de la poste, ou l'employé est arrivé à la poste, le trou, sur ses pieds. Ou avec ses pieds. Donc là, vous mettez les mots, inshallah, hadha li ghadin. Voilà, سهل. نواصل مع جزء اقرا استقرا انت عبد الرحمن الان قابل ابراهيم صديقه سليما في الطريق. Donc Ibrahim a rencontré son ami Salim en chemin. سأل ابراهيم سليما الى اين هو ذاهب. Donc Ibrahim a interrogé Salim, où se rend-il. سأل يسأل, c'est demander, interroger. Questionné. Donc Salim a répondu, je me rends à la poste. Donc Salim veut envoyer une lettre par le courrier recommandé. Vous voyez, par lettre au courrier recommandé, on va dire enregistré, mais ce qui veut dire c'est recommandé, en Inde. Ibrahim veut envoyer un télégramme à sa famille. Ibrahim wa Salim ma'an ila maktab al-barid Donc Ibrahim et Selim sont allés, se sont rendus ensemble au centre de la poste. La poste centrale, en fait, on dira. Merkazi, c'est le lieu principal. Les Ma'an, c'est... Ensemble. On entend souvent Ma'an. Tu peux, ouais, tu peux entendre, ouais. Non, Mafoum et Nas. Non. Ah, Walen, Ajib, Asilatil Asiya. Réponds question suivante. Alors, c'est Koun, les Radin, Inch'Allah, Kazaï. Aïna Qabala Ibrahim ou Sadiqa ou Saliman. Où est-ce que Ibrahim a rencontré son ami Salim? Fanian, Limada Zahaba Salimun, il est Maktab al-Barid. Pourquoi est-ce que Salim est allé à la poste? Thalisson, Limada Zahaba Ibrahim ou Ma'am. Pourquoi est-ce qu'Ibrahim est allé avec lui? Rabian, Limada Lam Yada Salimun Risalatahu Fisuduk al-Barid. Pourquoi est-ce que Salim n'a pas mis sa lettre dans la boîte aux lettres? Et comme un téléphone, quand il y a le jawab, il se peut que la réponse soit dans le premier texte également. Ah, Kaza. Falisa nous coutoub le nos, ça a bien fait courant statique. Enfin, c'est pour recopier le texte, c'est en cas. Donc, Alhamdulillah, l'yom, c'est un fanam min qa'ida jadida, on a pris une nouvelle règle, fil nahu. Que le verbe qui a un signe de raf qui est un nun, comme taf'alina, ou taf'alani, ou yaf'alani, ou yaf'alun ou taf'aluna, lorsqu'il est mansoub, comment ça, c'est quoi son signe? On enlève le nun. Taïeb, haf nun, comme yuqal. Et que celui qui a un nun niswa, salan anisa yuridna, le nun qui est à la fin, le verbe il ne change pas, il est memni, comme on dit en arabe, memni, qu'ils disent invariable. Quand il est même dit, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Après, Inch'Allah, il y aura plus de détails dans notre livre. Mais en tout cas, pour prononcer, c'est important. Toi, ne dis surtout pas Yuridan an yadhabani. Ça, c'est énorme. Ah, c'est une grosse faute. Et c'est ça qu'il veut t'apprendre. Il ne veut pas t'apprendre le nahou lui-même. Mais ça, c'est des formules que tu emploies tous les jours en parlant. Donc, il faut bien la faire. Comment t'as dit la faute, la Yursila? Yuridan an yadhabani, mathalan. Ou Yuridun an yadhabuna. Ne dis pas ça. Il rigole sur toi quand les gens. Celui qui a pris le nahou, il va voir que t'as une faiblesse, quoi. Mais celui qui n'a pas pris, c'est pas forcément. Grave. Pas forcément. Celui qui ne connaît pas, il ne sait pas. Tu dis un afi beytoun, ça ne va rien lui faire. Celui qui n'a pas pris le nahou ou qui ne fait pas attention à ça, ça ne va rien lui faire. Ah ouais. Voilà. Mais celui qui a appris, il va dire ça, c'est faux. Non. Puis Souel. لا فنكتفي بهذا ونقول والحمد لله رب العالمين